Regarde, mon bébé. C'est le plus beau bébé du monde, non? Oui, objectivement, c'est de loin la plus belle petite fille que j'ai jamais vue. Ne te moque pas de moi. Même les infirmières à la clinique disaient que c'était le bébé le plus mignon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es fière de ton enfant. Oui, c'est ma plus belle réussite. Votre plus belle réussite, ma chère Irène. Tu ne l'as pas fait toute seule, ce bébé, non? Tu l'as fait avec l'homme le plus charmant, le plus adorable, le plus intelligent, le plus beau, le plus aimant de la Terre. Quelle peste! J'ai vraiment la cousine la plus insupportable de la Terre.